passer du twist. Je ne peux pas me passer du twist. Je ne peux pas me passer, non, pas me passer, non, pas me passer de toi. Tu m'as fait trembler des bois. Tu m'as fait pleurer de joie. Tu es devenu chérie la raison de ma vie. Oh yeah. Oh, je ne peux pas me passer du twist. Je ne peux pas me passer du twist. Je ne peux pas me passer, non, pas me passer, non, pas me passer de toi. À l'instant, si tu partais, à l'instant, moi j'en mourrais. Tu as transformé ma vie en un vrai paradis. Oh yeah. Oh. Je ne peux pas me passer du twist. Je ne peux pas me passer du twist. Je ne peux pas me passer, non, pas me passer, non, pas me passer de toi. Oh yeah. Oh, oh, twist. Oh. Ouais, les gars. Who cares? Je ne peux pas me passer du twist. Je ne peux pas me passer du twist. Je ne peux pas me passer, non, pas me passer, non, pas me passer de toi. Mon bonheur est dans tes bras. Mon bonheur est près de toi. Tout ce que j'avais rêvé, toi, tu me l'as donné. Oh yeah. Oh. Je ne peux pas me passer du twist. Je ne peux pas me passer du twist. Non, non, je ne peux pas me passer du twist. Oh, oh.